Intelligent et pourtant on saute pas c'est pas imbécile. Gede la gaye qu'on a dit au monde, font monde dans la position pour ta web gaye là. Ou qu'on a habitué longtemps à venir oui. On t'a dit, madame m'a dit ça, oh oui, elle dormi dehors. Et c'est pas vrai, elle fait dormir dehors, elle ne va jamais dormir dehors. Sande da kai, o domino locai. Mogaro bagagiri. Não fala de domino locai. E só am dormi me rêve. O fom que vou les o dom. Lembro lessa, só tem transformé. Tourne au bouic. Laisse à me tomber, prani. Iron, iron, iron. Et puis ma brade est qu'un voisin, pour un voisin tourne au petit bœuf. Mon copain m'a fait le bœuf.